Chapitre 10e. Sylvie accueillit le docteur et le capitaine avec une grâce charmante. Ils eurent le temps de s'avouer dans un coin qu'ils ne l'avaient pas espéré aussi joli, et l'empereur, qui avait de l'esprit, n'hésita pas à affirmer qu'en refusant de croquer cette pomme, au contraire d'Adam, Pépin perdait le paradis terrestre. Elle les remercia avec effusion de l'affection dont ils entouraient leur éminent camarade, et toujours correct, insista pour les présenter à Achille. Un matin, ils s'en allèrent en bande au Père-Lachaise, et devant la figure de la pharmacie bienfaisante, elle les adjura d'aimer Achille comme ils avaient aimé Élisabeth. Un peu effarés d'abord, ils se dirent que l'engagement ne comportait pas de sanction, et ils promirent en souriant. Ce sourire la combla d'aise. En revenant, on déjeuna chez elle, et les deux amis qui avaient admiré un amateur sérieux la fraîche beauté de la femme durent s'incliner devant les qualités de l'hôtesse. Le couvert était élégant, le menu bien choisi, la chair exquise. L'empereur fut touché profondément, car elle avait fait confectionner à son intention un homard à l'américaine qui laissait loin derrière lui ceux d'Élisabeth. Le repas, sans être gai, fut empreint d'une cordialité discrète et aimable, car les fiancés n'étaient pas égoïstes et gardaient leur tristesse pour le tête-à-tête. En application du même principe, il fut convenu que, tandis que Pépin se réservait exclusivement le privilège d'appeler la jeune veuve Madame Pomme, le capitaine et le docteur, qui étaient libres, devraient lui donner son doux nom de Sylvie. Ceux-ci, dans cette séance mémorable, tinrent à honneur de répondre à de si gracieuses attentions. Ils se montrèrent également brillants. L'empereur, en racontant les campagnes dont ses fonctions militaires l'avaient écarté, Milvaux en décrivant des opérations qui avaient illustré ses confrères. Les domestiques de Pépin, qui n'espéraient pas les mêmes faveurs de Madame Pomme, l'avaient reçue d'abord avec un respect qui tirait sur la froideur. Mais elle les conquit bientôt par sa fermeté douce, et un jour que Constance se trouvait seule dans la salle à manger avec le buste d'Élisabeth, il ne dissimula pas son ancienne patronne, tout en l'époustant amicalement, que la nouvelle la dégotait dans les grands prix. Que lui, Constant, aimerait mieux la voir tomber dans son lit que le tonnerre, et que les trois types qui allaient la partager ne s'embêteraient pas une minute. « Il faut te faire une raison, ma pauvre vieille. » Telle fut la conclusion de son discours. Constant ignorait les projets chastes de son maître, et en était resté, on le voit, aux anciennes traditions. Nous avons jugé inutile de dire au lecteur que tout le monde dans la maison, et par conséquent dans le quartier, était au courant du triple bonheur qu'Élisabeth entretenait dans son ménage. Le mariage fut célébré à minuit, sans apparat, sans assistant autre que les quatre témoins, et bien entendu le prêtre qui officiait. On se sépara avec force vœux de bonheur de la part du docteur et du capitaine, qui riaient sous cap de la mine recueillie des époux et de leur nuit de noces que l'empereur qualifia « double demi whist », partie qui se joue avec deux morts. Pépin, en les quittant, et pour qu'il ne subsistât aucun doute à cet égard, leur avait serré énergiquement la main. Cette étreinte significative leur confirmait l'engagement pris d'une chasteté inébranlable. Les deux copains rentrèrent à pied chez eux, fumant un cigare et raciocinant sur les bizarreries humaines. La première étape était franchie. Ils allaient revenir chez Pépin en amis, en commensaux attitrés, choyés. Le bon souper, le bon gîte leur était promis. À quand le reste? Ce qui m'embête à ce point de vue, dit l'empereur, c'est que cette petite a l'air d'en tenir vraiment encore pour son défunt potard. Les femmes excellent à tromper un vivant, car c'est un jeu qui, outre l'agrément intime, est dangereux parfois, intéressant toujours. On goûte une volupté complémentaire en s'asseyant pour dîner en face de son mari, à contempler la tête béate d'un monsieur qu'on a fait plus spécialement cocu à 5h-10. Et pour peu qu'on le voit prendre des attitudes sévères ou majestueuses, on se dit « Va, mon bonhomme, marche, si tu savais comme tu m'amuses. » Et on se tord sans en avoir l'air. Ça fait passer sur bien des petits ennuis intérieurs. Mais il n'en est pas de même à l'égard d'un époux enterré et désarmé. Il manque la joie de le voir furieux ou ridicule. Plus de lutte, partant plus de gloire. La superstition s'en mêle et l'on craint des rancunes d'outre-tombe. Rancune macabre et sournoise de fantômes qui viennent tirer l'infidèle par les pieds, la nuit, et non cure des sergents de ville. Ah, nous aurons du mal. Justement, je voulais régler ce point avec toi. Devons-nous courir cette chance? Certes, Sylvie en vaut la peine. Il faudra être prudent et tâter le terrain. C'est un joli terrain à tâter. Guide-nous deux à entamer les hostilités. Jeudi, nous dînons chez eux, nous jouerons ça aux échecs.